Willy Brandt était-il un agent de l'Est? L'un des hommes politiques européens les plus prestigieux du XXe siècle travaillait-il pour le KGB? La semaine passée, nous en avons longuement parlé avec M. X et disons-le tout de suite, pour lui, il en est certain, le chancelier allemand n'a jamais été une taupe communiste. Mais ses adversaires politiques ont tout fait pour accréditer cette rumeur propagée par le KGB et la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Oui, aussi paradoxal que cela paraisse, ce sont donc des communistes qui ont accusé Willy Brandt d'être un agent communiste, afin de le fragiliser et le compromettre. Pour autant, M. X n'a pas nié que le chancelier socialiste ait eu des contacts avec les services secrets soviétiques. Toutefois, c'était pendant la guerre où, réfugié en Suède et animateur d'un réseau de résistance anti-nazi, Willy Brandt renseignait aussi bien les soviétiques que les anglo-saxons. Mais le futur chancelier avait commis une erreur. Il avait signé un reçu contre la remise par les soviétiques d'une somme d'argent destinée à son réseau. Grâce à ce document, Moscou a essayé de le faire chanter après-guerre. En vain. Brandt a toujours refusé de collaborer avec le KGB. C'est alors qu'à la tentative de chantage a succédé la campagne de calomnie. En 1969, le SPD, le Parti social-démocrate allemand, gagne les élections. Willy Brandt devient chancelier. Il mène une politique audacieuse de détente avec l'Est, ce que l'on a appelé l'Ostpolitik. 2 ans plus tard, il recevra le prix Nobel de la paix et remporte triomphalement les élections en 1973. Cependant, l'année suivante, un de ses conseillers les plus proches, Günther Guillaume, est arrêté. C'est un espion est-allemand. Aussitôt, désirant assumer pleinement ses responsabilités, Brandt démissionne contre l'avis de ses propres amis. Mais Monsieur X le laissait entendre à la fin de la première partie de cet entretien. L'ancien maire de Berlin a sans doute été la victime d'une machination ourdie une nouvelle fois à l'Est. Avant de parler de l'affaire Guillaume, un mot peut-être de la politique de Brandt vis-à-vis de l'Est. L'Ostpolitik, oui, vous avez raison. C'est ça. Parce que c'est la clé de toute cette histoire. Alors, de quoi s'agit-il? Willy Brandt a été profondément marqué par la crise de Berlin et la construction du mur en 1961. Oui, à un moment où il était maire de l'ancienne capitale du Reich. Oui, il a donc vécu l'événement en première ligne. Or, qu'a-t-il constaté? Malgré toutes les bonnes paroles prodiguées en faveur des Berlinois, le camp occidental a été impuissant à empêcher l'édification du mur. Oui, il y a quand même eu la fameuse visite de Kennedy en 63. Hein. Ich bin ein Berliner. Oui, c'est ça. Je suis un Berlinois, oui, je sais. Enfin, c'était encore que des paroles, pas des actes. Et dès cette époque, le futur chancelier acquiert la conviction que rien ne pourra se régler à Berlin, et plus généralement en Allemagne, contre l'URSS. Ouais, contre l'URSS. Alors, il faut dialoguer. Oui. Et dès qu'il accède au pouvoir en 1969, il affirme haut et fort son intention d'entamer une politique d'ouverture avec l'Est. Avec l'Allemagne de l'Est? Pas seulement. Brandt entend dialoguer avec tout le bloc soviétique, et d'abord avec Moscou, naturellement. Et ça doit inquiéter à l'Ouest. Et on est très circonspect. Toutefois, le chancelier allemand, dans le même temps, assure qu'il demeure résolument dans le camp occidental et qu'il est attaché à la construction européenne. Mais c'est vrai. En choisissant l'Ostpolitik, Brandt brise un tabou. Un tabou, vous n'exagérez pas un tout petit peu, non? Absolument pas. Songez que pour Bonn, depuis la création de la RFA, la RDA n'est considérée que comme la zone d'occupation soviétique en Allemagne. Or, Brandt s'apprête à parler avec les dirigeants allemands de cette prétendue zone d'occupation. Naturellement, la droite allemande crie au charme. Ouais. La droite, qui ne doit pas non plus se priver de rappeler les accusations de crypto-communisme qu'on a déjà porté contre Willy Brandt. Bien évidemment, mais le chancelier n'en a cure. L'opinion le soutient. Les Allemands, dans leur grande majorité, veulent aussi la réconciliation et la paix. Concrètement, comment ça se traduit? Willy Brandt veut aller très vite, et il noue des contacts avec le Kremlin et son homologue en RDA, un autre Willy Storp. Le résultat, c'est un traité signé à Moscou en 1970, entériné par un autre traité signé à Varsovie. L'Allemagne fédérale reconnaît les frontières de l'après-guerre. Ah oui, la fameuse frontière Oder-Neisse entre l'Allemagne et la Pologne. Mais aussi, et c'est encore plus spectaculaire, la frontière entre les deux Allemagnes. Ah oui, ça veut dire que Willy Brandt accepte la partition entre les deux Allemagnes, ce que la RFA n'avait jamais admis. C'est juste. Mais le chancelier pense qu'il ne peut en être autrement. Il pense que si un jour l'Allemagne doit être réunifiée, il faut d'abord faire preuve de réalisme et reconnaître ce qui existe. En somme, il fait le pari du rapprochement. Hein. Plutôt que celui de l'hostilité permanente. Mmh. Il pense que ce rapprochement entre les frères ennemis finira par produire des changements. Mmh. Des changements en Allemagne de l'Est. Oui. Et il affirme que s'il existe réellement deux États, il n'y a qu'une nation allemande. Et la RDA et la RFA, qui vont faire leur entrée à l'ONU, multiplient les contacts officiels et privés et échangent des représentations. Pas des ambassadeurs. Non, parce que Brandt tient essentiellement à ce que, à l'Ouest comme à l'Est, on garde le sentiment d'appartenir à une même communauté. Des relations diplomatiques formelles auraient affadi ce sentiment. Mais est-ce que Willy Brandt n'a pas fait preuve, comment dirais-je, d'une sorte de naïveté en espérant que la RDA pourrait évoluer? Puis surtout, n'a-t-il pas donner essentiellement satisfaction à l'URSS. En reconnaissant les frontières de l'après-guerre? C'était une revendication permanente de Moscou. Hein. Vous avez raison, mais je vous l'ai dit, Brandt était convaincu que rien ne pourrait se faire contre Moscou. Par conséquent, mieux valait composer, avancer pas à pas et par exemple améliorer le sort des Berlinois de l'Ouest, qui ont enfin pu recevoir l'autorisation d'aller visiter leur famille restée à l'Est. Bah, il n'empêche que le mur était toujours en place. Oui, mais enfin, il faut souligner un point très important. Les soviétiques, c'est vrai, étaient les premiers bénéficiaires de la reconnaissance du statu quo, puisque ça figeait les frontières. Mais Berlin-Ouest était aussi partie prenante de cette reconnaissance, et Moscou acceptait enfin que l'ancienne capitale du Reich devienne partie intégrante de la RFA. Donc une sorte de tête de pont occidentale au-delà du rideau de fer. Exactement. Mmh. Vous voyez que Brandt n'était pas aussi naïf que vous le pensiez. Ouais. Enfin, quand on dîne avec le diable, il faut une très longue cuillère. Hein. Et la cuillère de Willy Brandt n'a peut-être pas été assez longue. C'est bien ce que vous voulez dire? Bien sûr. Hein. Bon, libre à vous de le penser. Moi, je pense sincèrement que la politique de Brandt doit être jugée de façon positive, parce que rien n'est plus précieux que le dialogue. À condition qu'il ne débouche pas sur le défaitisme. Bon, je vois que je ne vous ai pas tout à fait convaincu. Peu importe. Revenons à ce que vous disiez dans la première partie de notre entretien. Vous avez laissé entendre que le camp communiste n'était peut-être pas étranger à la manipulation qui a conduit à la démission de Willy Brandt. C'est la vérité. Et pourtant, les soviétiques ne pouvaient que se réjouir des positions prises par le chancelier allemand. C'est également la vérité. Alors, il faut m'expliquer cette contradiction. Hein. Alors, me permettez-vous de différer un petit peu mon explication? Je ne vois pas comment je pourrais refuser. Très bien. Alors, je voudrais d'abord qu'on parle enfin de cette fameuse affaire Guillaume. Je vous écoute avec la plus grande attention. Bon, hein. Pas d'ironie, s'il vous plaît. Günther Guillaume, donc. Mais il porte un patronyme français. Hein. Il portait. Il est mort en 1995. Et si son nom était réellement Guillaume, c'était certainement le descendant d'un huguenot français émigré en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes. Mais son véritable état civil importe peu. C'est son histoire qui compte. Et enfin, ce que l'on en sait. Oui, parce qu'il y a des zones d'ombre. Très nombreuses, oui. Je vous donne un seul exemple. Selon certaines sources, son père aurait été un médecin berlinois, un homme aux sympathies communistes qui aurait soigné Willy Brandt à l'époque où celui-ci était traqué par la Gestapo. Mais d'autres affirment au contraire que le père de Guillaume aurait été un violoncelliste nazi. Oui, c'était pas effectivement tout à fait pareil. Hein. Enfin, c'est le fils qui nous intéresse, non? C'est juste. Alors, ce dont on est à peu près sûr, c'est que le jeune Günther Guillaume, qui est né dans les années 20, s'engage dans les jeunesses hitlériennes. On le retrouve à la fin de la guerre dans la Wehrmacht, et il est capturé par des soldats britanniques. Mais il réussit à s'évader. Ah oui, et où va-t-il? Il retourne chez lui, à Berlin. Là, il apprend que son père a été lui-même fait prisonnier par les Russes. Et à Berlin, là, dans quel secteur se trouve-t-il? Le secteur attribué aux soviétiques. Non, Berlin-Est, donc. Oui. Ouais. Et en tant qu'ancien nazi, il n'est pas inquiété? Non, l'époque est encore confuse. Beaucoup de gens, compromis, ont changé d'identité ou se cachent. Est-ce son cas, lui? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, Guillaume essaie de gagner sa vie et il travaille comme photographe. Mais il ne va pas tarder à être rattrapé par son passé. C'est-à-dire ça? Mais la police secrète est-allemande commence à s'organiser et à éplucher les archives du Troisième Reich. Avec l'aide très active, bien sûr, du KGB. Ainsi que Günther Guillaume est repéré. Arrêté? Non, enrôlé. C'est-à-dire qu'il va faire partie de tous ces anciens nazis recrutés par les services de renseignement est-allemands. Exactement, et il ne peut pas refuser puisqu'on le tient. C'est d'une vraie laisse dont disposent alors les communistes allemands. Une laisse qu'on ne peut rompre à aucun prix. J'ajoute que Guillaume a adhéré au Parti communiste avec le même zèle qu'il avait montré autrefois pour rejoindre les rangs nazis. On peut quand même douter sa sincérité. Ce n'est pas sûr. Lorsqu'il sera arrêté, Günther Guillaume revendiquera avec beaucoup de fierté sa qualité d'officier des services est-allemands. Quoi qu'il en soit réellement, il est d'abord engagé en tant que photographe dans une société d'édition dont tout le monde sait qu'elle est une pépinière d'agents communistes. Puis il est envoyé pour une longue période dans une école de formation à Kiev. Ouais. Une école de formation d'agents de renseignement ? Oui, oui, Guillaume, qui a des dons certains, est déjà promis à faire une belle carrière d'espion. Et les résultats qu'il obtiendra dépasseront même l'espérance de ses chefs, parmi lesquels on trouve en premier lieu l'énigmatique Marcus Wolf. Le Monde, sous la signature de Henri de Bresson, a consacré un long article à Willy Brandt à l'occasion de sa mort intervenue en octobre 1992. En voici un extrait consacré à sa politique de détente avec le Bloc de l'Est. Farouchement combattu à domicile par une partie de la droite qui s'enferme dans une opposition systématique, cette hoste politique ne laisse personne indifférent. Elle vaudra à Willy Brandt des haines tenaces. À l'étranger, où certains, comme Henry Kissinger, ne cachent pas leur méfiance, on est reconnaissant au chancelier d'avoir eu le courage politique d'admettre les réalités de l'après-guerre. Il sait accomplir les gestes pour convaincre de sa sincérité et faire passer au second plan la suspicion que le rapprochement de Bonn et de l'Est ne cessera d'éveiller dans les milieux dirigeants des autres capitales occidentales. Lors de sa visite à Varsovie pour signer le traité, son agenouillement silencieux devant le monument aux victimes du ghetto de Varsovie a un retentissement considérable dans le monde. Il reçoit en novembre 1971, le prix Nobel de la paix, ce qui n'est pas rien pour l'Allemagne, 27 ans seulement après la capitulation. Dans son discours, le chancelier affirme qu'aucun intérêt national ne peut plus être aujourd'hui séparé de la responsabilité globale pour la paix. Après cette longue formation, Guillaume est donc prêt à devenir opérationnel. Oui, mais j'ai oublié un détail. Entre-temps, il s'est marié. Son épouse Christa, ou Christelle, est elle aussi un agent du HVA, le service secret est-allemand. Est-ce qu'il s'agit alors d'un mariage sur ordre ? C'est très probable. À l'étranger, un couple attire moins l'attention qu'un célibataire. Mais il n'est pas exclu qu'entre les deux agents, un véritable sentiment soit né. Car les deux époux ont toujours semblé très attachés l'un à l'autre, même si Guillaume ne se privait pas de tromper son épouse. Bon, l'objectif qu'on leur a fixé, j'imagine, consiste à passer à l'Ouest. En RFA, oui. Et ils se rôdent en effectuant quelques missions à Berlin-Ouest. Ils doivent donner satisfaction à leurs employeurs puisqu'on les autorise enfin à se rendre en RFA. Attends, on est alors en quelle année, là ? 1955 ou 56. Et comment font-ils ? La frontière entre les deux Allemagnes n'est pas encore hermétiquement close et ils se glissent sans difficulté aucune dans un groupe de réfugiés qui ont choisi la liberté, comme on disait alors. Mmh. Après avoir passé quelque temps dans un camp pour réfugiés, ils sont interrogés par des hommes du contre-espionnage. Mais ils sont suffisamment aguerris pour subir cet examen sans aucun problème. Oui, donc désormais, ils sont citoyens de la RFA. Automatiquement, oui. Et ils vont s'installer à Francfort où ils vont d'abord tenir un kiosque à journaux. Ils n'ont pas choisi cette ville au hasard ? Bien sûr que non. On leur a assigné un objectif, infiltrer le SPD. Le SPD, c'est-à-dire le Parti Socialiste. Oui, et Francfort est alors un fief du SPD. Günther et Christa s'inscrivent donc dans une section locale du parti et deviennent rapidement des militants modèles, toujours prêts à afficher, distribuer des trappe-tout, participer à l'interminable réunion. Ils font un tel si bien que bientôt on leur propose de devenir des permanents. Ouais. Mais une parfaite réussite alors. Enfin. Même si là, j'imagine, où ils sont pas encore en mesure d'envoyer des informations capitales à Berlin-Est. C'est vrai. Enfin, toute manœuvre d'infiltration demande du temps, beaucoup de temps. D'ailleurs, à Berlin, Marcus Wolf ne s'impatientait pas. Car ce qu'il attendait, c'est que le SPD arrive au pouvoir. Et à partir de la moitié des années 60, cette hypothèse apparaît de plus en plus probable. Il faut aussi noter qu'au SPD, il y avait, comme dans beaucoup d'autres partis, des tendances. Et Guillaume, très habilement, a choisi l'aile la plus droitière du parti. Oui, donc la plus anticommuniste. Naturellement. C'est ça, ouais. La plupart des taupes communistes infiltrées à l'Ouest n'agiront pas autrement. C'est ainsi qu'il devient l'homme liege d'un député de cette tendance de droite, Georges Leber, qui sera plus tard ministre de Willy Brandt. Et Christa, elle grimpe les échelons dans l'administration du parti. Alors, tout se passe donc très très bien pour eux. Tout à fait. Et pourtant, ils l'ont échappé belle une première fois. Voulant monter toujours plus haut dans l'appareil, Guillaume pose sa candidature à un poste de conseiller technique à la chancellerie dès la victoire des sociaux-démocrates et de Willy Brandt aux élections de 1969. Son patron, George Löber, le recommande chaudement. Mais pour être engagé, Günther Guillaume doit faire l'objet d'une enquête de sécurité. Mais attendez, il a déjà subi une telle enquête en arrivant en RFA. C'est juste, mais à l'époque c'était une enquête de routine. Là c'est différent puisque Guillaume postule à un poste de toute première importance et justement quelque chose cloche. Et quoi exactement? En épluchant son dossier, le contre-espionnage ouest-allemand découvre un témoignage selon lequel Guillaume aurait fait autrefois un voyage en RFA pour le compte de cette maison d'édition qui était réputée pour être un nid d'espions de l'Est, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Alors, que se passe-t-il? La direction du contre-espionnage recommande une enquête plus détaillée, et en attendant, elle déconseille l'engagement de Günther Guillaume à la chancellerie. C'est bien loin, non? En effet, surtout dans ce pays où pullulent les taupes communistes. Mais Guillaume va faire très fort. Convoqué par le propre directeur du cabinet de Willy Brandt, il demande à être confronté aux témoins qui l'accusent. Oui, il semble très sûr de lui. Et il gagne, parce que le directeur de cabinet lui déclare que l'informateur qui l'accuse est mort. Et donc, pas de confrontation possible. Et l'enquête en reste là. Bien sûr. Mais est-ce que pour autant, Guillaume est entièrement disculpé? Apparemment, oui. Et le service secret à l'origine de l'affaire, le BVF, semble oublier. Mais vous m'avez toujours dit qu'un service n'oubliait jamais. Forcément. Mais il y a des moments où il faut bien plier devant le pouvoir politique, ou faire semblant, provisoirement en tout cas. Or, à la chancellerie, très vite, Günther Guillaume se révèle être un excellent élément. Un homme de confiance qui fait preuve de la plus grande discrétion. Pour un espion, c'est normal. En effet. Enfin, avant d'aller plus loin, je dois vous dire que les services allemands ont commis là une grave négligence. Parce qu'ils n'ont pas poursuivi l'enquête. Oui, à moins qu'il ne se soit agi de quelque chose de beaucoup plus grave. Ouais, je vous en prie, là, soyez plus clair. Encore un tout petit peu de patience. Je veux bien, mais qu'est-ce qui vous permet de faire des reproches au contre-espionnage allemand? Eh bien, il se trouve que nous, Français, nous détenions les informations sur Günther Guillaume. Ah, les Français, là. Vous saviez que c'était un espion de l'Est? Moi, personnellement, non. Mais dans les services, oui, il faisait l'objet de soupçons. Attendez, en quoi les Français étaient concernés par ce personnage? Et surtout, pour quelles raisons s'y sont-ils intéressés? Le SDEC avait d'abord repéré depuis longtemps que ce personnage faisait de fréquents voyages en France. Ah, d'accord, mais si tous les Allemands venant souvent en France devaient soupçonner... Mais Günther Guillaume, lui, venait de l'Est. Toutefois, vous avez raison, ça ne suffisait pas pour en faire un suspect. Non, nos services avaient appris par un de nos contacts à l'Est qu'il y avait une taupe dans l'entourage de Willy Brandt. En conséquence, nous étions très attentifs. Donc Guillaume... À l'époque, est plus surveillé qu'un autre, c'est ça? Un peu plus, parce que la DST qui avait pris le relais a acquis la quasi-certitude que Guillaume ne venait pas en France pour faire du tourisme, mais pour rencontrer son officier traitant ou envoyer des messages par le fameux système des boîtes à lettres mortes. Vous parlez de quasi-certitude, pas de preuve. C'est juste, on s'est donc contenté de le garder à l'œil, mais alors qu'il venait d'être nommé conseiller personnel de Willy Brandt, un transfuge soviétique nous a permis d'aller plus loin. En effet, dans une série de photos de personnalités d'Allemagne de l'Ouest, ce type a reconnu un homme qui avait été son condisciple à l'école militaire de Kiev. École de renseignement, là. Et c'était Günther Guillaume? Oui. Ouais. Alors j'imagine que les Français ont aussitôt alerté leurs homologues allemands. Bien évidemment, mais Guillaume n'a été arrêté qu'un an plus tard. Bizarre, non? J'ai trouvé dans les mémoires de Willy Brandt, publiées en 1990 chez Albin Michel, une confirmation de ce que vient de dire Monsieur X. D'après l'ancien chancelier, les services secrets français semblaient en effet étrangement mieux informés que les services allemands sur Günther Guillaume. Étrangement, oui. Alors, que faut-il en penser? Monsieur X nous donnera la clé de ce mystère dans la dernière partie de cet entretien, mais on trouve une première piste dans le livre de Roger Faligot et Rémi Koffer, Les Maîtres Espions, ouvrage paru chez Robert Laffont. Les deux journalistes évoquent le cas d'un certain Hans Joachim Tietje, je les cite. Né en 1937 à Berlin, ce fonctionnaire entre au BFV, il s'agit du contre-espionnage allemand, à l'âge de 29 ans. Ses nouvelles fonctions vont lui permettre de suivre les développements de l'affaire Guillaume en 1973-1974. Irréprochable et apprécié de ses supérieurs, Tietje est promu en 1979 chef de service. Spécialité, les opérations en Allemagne de l'Est. Mais Le 22 août 1985, il disparaît mystérieusement avant de se réfugier en RDA, provoquant le 27 août la chute d'Heribert Ellenbreuil, le président du BND, le service de renseignement allemand. Est-ce donc Tietje, qui était déjà une taupe de l'Est, qui a freiné les investigations concernant Guillaume? Est-ce que les services secrets allemands ont fait preuve de négligence ou est-ce qu'ils ont sciemment écarté les informations fournies par les Français? Je pense que votre deuxième question est la bonne, et vous verrez pourquoi. Mais en attendant d'y répondre plus précisément, il faut remarquer que le HVA, le service de renseignement de Marcus Wolf, va bénéficier d'un coup de chance extraordinaire. Jusqu'en 1972, Günther Guillaume est un conseiller technique parmi d'autres à la chancellerie. Ce qui permet quand même d'accéder à certaines informations qui intéressent les RDA. C'est certain. C'est l'époque de l'Ostpolitik et les Allemands de l'Est et leurs grands frères soviétiques sont à l'affût. Ils veulent négocier dans les meilleures conditions. Et il n'est jamais inutile de connaître à l'avance les intentions de celui avec qui on va traiter. Oui, ça me paraît évident. Mais en 1972, le conseiller particulier de Willy Brandt, celui qui s'occupe de son agenda et qui l'accompagne partout, même en vacances, décide de se lancer dans la politique. Ah oui, la place est donc libre. Oui, et les choix, Guillaume. Comment et pourquoi a-t-il été choisi? Je vous l'ai dit, il est compétent. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que dans l'entourage de Brandt, certains l'ont encouragé à faire ce choix. D'autres taupes? C'est certain. Et vous verrez qu'elle ne manquait pas autour de Willy Brandt. En tout cas, cette nomination était un succès inespéré pour Marcus Wolf. Il avait maintenant un homme à lui au cœur du pouvoir ouest-allemand. Difficile de faire mieux, vous en conviendrez. C'est certain, mais... Enfin, attendez, revenons quand même à ce que vous avez dit précédemment. Les services français... informe leurs homologues allemands que Günther Guillaume est suspect. Oui. J'ai du mal à croire que les Allemands restent inertes. Ou alors il faut penser que leurs services sont aussi infiltrés à un très très haut niveau. Infiltrés, ils l'étaient, c'est sûr. Car je ne crois pas à la négligence ni à l'incompétence. En effet, des fonctionnaires du BVF, le contre-espionnage allemand, qui se méfiaient de Guillaume depuis longtemps, c'est que je vous l'ai dit, avaient continué de mener leur propre investigation dans la plus grande discrétion. Vous voulez dire sans en informer leur hiérarchie? En effet, parce qu'ils craignaient qu'on les dissuade d'enquêter, comme ça s'était déjà passé en 1969. S'attaquer au conseiller particulier du chancelier, ce n'était pas rien. Et puis ces fonctionnaires soupçonnaient qu'au sommet de leur organisation, quelqu'un ne voulait pas que cette enquête sur Guillaume aboutisse. Encore une taupe? Oui. Alors l'un des fonctionnaires a eu l'idée d'exhumer des archives, des messages codés qui avaient été interceptés par le contre-espionnage. Des messages envoyés par les services d'Allemagne de l'Est? C'est ça, des messages envoyés sur les ondes courtes. Et ils avaient été décryptés ces messages? Oui, mais à l'époque ça n'avait débouché sur rien de concret. Et la plupart des agents auxquels ces messages étaient adressés n'avaient pas été identifiés. Il faut rappeler que Marcus Wolf avait envoyé des milliers d'agents à RFA. Par conséquent, ça revenait à chercher une aiguille dans une meule de foin. Sauf si on détenait déjà l'identité d'un suspect. Ah ouais, parce que là, on pouvait faire des recoupements. Exactement. Or, il faut savoir que les services est-allemands, comme d'autres services des pays de l'Est, avaient une curieuse coutume. Ils n'oubliaient jamais de souhaiter l'anniversaire de leurs agents et même des membres de leur famille. C'est tout à fait étrange. Oui, mais Marcus Wolf tenait à nouer des contacts chaleureux avec ses agents. Des femmes et des hommes qui menaient une vie dangereuse dans un milieu hostile. Et des exilés aussi. Alors, on leur rappelait régulièrement qu'on ne les oubliait pas. Donc, ce fonctionnaire s'est penché sur ces vieux dossiers. Enfin, mais pourquoi de vieux dossiers? N'y en avait-il pas de plus récents? Non. Le HVA, grâce à une de ses taupes, avait appris que ces messages avaient été décodés. Il avait donc changé de méthode de cryptage et il avait aussi mis à l'abri un certain nombre d'agents qui auraient pu être démasqués. Mais pas Günther Guillaume. Les services de Marcus Wolf avaient estimé qu'il n'était pas menacé. On lui a simplement conseillé de redoubler de prudence. Alors, permettez, je reviens à ce fonctionnaire et ses vieilles archives. Après avoir effectué un vrai travail de bénédictin, il s'aperçoit qu'un certain nombre de messages d'anniversaire correspondent exactement aux dates de naissance des membres de la famille de Guillaume. Parce que Guillaume a des enfants. À partir de ce moment, le contre-espionnage a la conviction que Guillaume est un agent communiste. Et le président du BFV, Günther Nolo, peut enfin être informé officiellement. Ouais. Peut-être un mot sur ce... Comment dire, Nolo, c'est ça peut-être? Volontiers. Comme Guillaume, c'est un réfugié de l'Allemagne de l'Est. Lui aussi. Oui, c'est un ancien avocat qui était membre de l'administration nazie en Pologne occupée. Si je comprends bien, il a... tout à fait le profil des espions recrutés par Marcus Valls. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui. Et après le dénouement de l'affaire Guillaume, certains journalistes ne se priveront pas d'affirmer que le président du contre-espionnage était un agent de l'Est. Mm-hmm. Et à votre avis? Eh bien, dans les services français, c'était aussi notre sentiment. Toutefois, on n'a jamais vraiment éclairci ce point. En tout cas, après tout ce tumulte, Nolo a dû démissionner. Mm. Pour éviter le scandale? C'est probable. Mm. Mais quand son Nolo là, est informé des charges qui pèsent sur Guillaume, que fait-il? Agent de l'Est ou pas, il est bien obligé d'en tenir compte. Et il se rend à la chancellerie pour informer Willy Brandt. Que lui dit-il exactement? Il n'affirme pas que son conseiller est un agent. Il laisse seulement entendre que de vagues soupçons pèsent sur lui. Ouais, de vagues soupçons... Bon, quelle est la réaction du chancelier? Il est assez sceptique. Contrairement à ce qu'on a dit, Brandt n'était pas très lié avec Guillaume. Pour lui, c'était un collaborateur, un point c'est tout. Mais de là à imaginer que c'est une taupe, non. Brandt n'y croit pas beaucoup. Toutefois, comme c'est un homme d'État responsable, il demande au chef du contre-espionnage ce qu'il convient de faire. Et la réponse de Nolo est proprement extravagante. Ah bon? Racontez. Ben, il lui dit, gardez-le auprès de vous, nous allons le surveiller. C'est prendre un risque considérable. Hein. Je suis d'accord avec vous. Et ce passera un an avant que le contre-espionnage ne se décide à passer à l'action en arrêtant Guillaume et son épouse. Un an pendant lequel l'espion a continué à envoyer des informations secrètes à ses maîtres. Mmh. Mais quand Nolo est allé voir Brandt, il ne disposait peut-être pas de preuves formelles. Il disposait de suffisamment d'indices. Et s'il avait été plus catégorique, Brandt se serait immédiatement séparé de son collaborateur. Et l'enquête aurait très vite démontré que Guillaume était réellement un espion. Alors, comment expliquer la faute de ce Günther Nolo? Il me semble que je vous ai donné une première piste. Son appartenance possible au service de l'Est. Ouais. Oui, mais il y avait autre chose. Dès ce jour où Brandt a été informé des soupçons qui pesaient sur son conseiller, on a ourdi un complot contre le chancelier. Un complot de quelle nature? En gardant si longtemps près de lui un homme soupçonné d'espionnage, Willy Brandt se condamnait lui-même. Ouais, mais enfin, il n'a fait que suivre les recommandations du chef du contre-espionnage. Alors, encore faudrait-il le prouver. Or, d'autres personnages, eux, savent déjà que Günther Guillaume est une taupe. Ils ont été informés par Nolo en personne. Ils ne l'ont pas dit à Brandt? Non. Qui sont ces hommes? Il y a par exemple le ministre libéral de l'Intérieur, Hans-Dietrich Genscher. Mais il y a aussi un autre homme, Herbert Wehner, le président du groupe social-démocrate au Parlement. Un politicien qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour Willy Brandt et qui œuvrait dans l'ombre pour qu'il quitte la chancellerie. Alors, ce serait lui l'âme du complot? Je le pense. C'est lui, par exemple, qui a expliqué aux notables du parti, après l'arrestation de Guillaume, que ce dernier risquait de faire des révélations très gênantes sur la vie privée de Brandt. Des révélations qui nuiraient au SPD. Ah ouais, donc il ne fallait pas trop le retenir de donner sa démission. Voilà. Et seuls les amis les plus proches de Brandt ont essayé de le dissuader de démissionner. Mais il y a encore plus intéressant. Ce Wehner avait un passé très révélateur. Avant la guerre, il avait été communiste. C'était à l'époque un grand ami d'Erich Honecker, qui est devenu en 1973 le numéro 1 de la RDA. Vous insinuez que lui aussi, enfin ce Wehner, était une taupe? Peut-être pas un agent au sens strict du terme, mais un correspondant certainement, parce que le KGB possédait sur lui un dossier très chargé. C'est-à-dire? Pendant la grande terreur stalinienne, il se trouvait à Moscou, et il a dénoncé un certain nombre de ses camarades. À tel point que les soviétiques l'ont même soupçonné d'être un agent de Gestapo. Ah oui, c'est-à-dire qu'il pouvait être manipulé par Moscou? C'est certain. Mais l'intérêt du Kremlin n'était pas de faire tomber Willy Brandt, l'homme de l'ost politique. Et puis, il y avait Günther Guillaume qui rendait si grand service. Oh, Guillaume, lui, était condamné à terme. Ah bon. Quant à Moscou, c'est plus curieux. Tout le monde n'était pas favorable à l'os politique du chancelier. Pourtant, oui, il y avait au plus haut sommet du pouvoir un clan très influent au KGB qui estimait que cette os politique risquait un jour ou l'autre de conduire à la réunification de l'Allemagne. Par conséquent, il fallait la combattre et faire en sorte que son promoteur Willy Brandt soit obligé de quitter le pouvoir. Pour vous, alors, c'est donc à Moscou qu'on a ourdi ce complot contre Brandt? Oui, et avec la participation active d'Herbert Wehner, qui n'avait rien à refuser à ses amis soviétiques. J'ajoute que les Allemands de l'Est ont été tenus dans l'ignorance. Le KGB avait parfois ses petits secrets pour l'organisation de Marcus Wolff. Marcus Wolff, justement, a publié un livre d'entretien intitulé « L'œil de Berlin » avec le journaliste Maurice Najman. J'y ai noté que les soviétiques lui faisaient parfois des cacheteries et qu'il apprenait, par des sources occidentales, ses taupes en RFA, l'existence de contacts clandestins entre Moscou et des politiciens de Bonn. D'autre part, il reconnaît, je le cite, que la chute de Willy Brandt, qui suivit de près celle des Guillaume, fut une défaite politique grave. Nous savions que Brandt pratiquait et allait approfondir son geste politique qui recoupait nos propres intérêts stratégiques. Nous n'avions aucun intérêt à le faire tomber, bien au contraire.